Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter, si vous le voulez bien, le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 27 août ? Eh bien, par exemple, le 27 août 1648, en France, révolte et barricade à Paris pour obtenir la libération du conseiller Broussel, opposant enfermé sur un coup de tête de la reine. La fronde aux intérêts et aux visages multiples commence. Vous voyez, déjà en 1648, il y avait des opposants au pouvoir. Il y a toujours eu des opposants au pouvoir, qui ont plus ou moins les moyens, qui ont plus ou moins... voilà. 1906, France. Les menuisiers de Grenoble cessent le travail pour soutenir leurs camarades grévistes de Chambéry. Une grève de solidarité, c'est beau ça. Ah oui, ça se fait plus tellement ces temps-ci, mais ça revient à la mode quand même. 1907, France. Fin août, les ouvriers de Flers, en grève, depuis 100 jours, sont obligés de reprendre le chemin des ateliers. Les délégués et les membres du comité de grève ne sont pas repris. Mais les patrons acceptent la création de syndicats. Le nombre d'adhérents passe de 300 à 1700. Vous imaginez qu'on multiplie par 5 le nombre de syndiqués en 2018. Hein ? Eh oui, ça changerait bien des choses. Ça changerait considérablement la vie quotidienne de chacun d'entre vous, d'entre nous. Hein ? Ça, c'est sûr. 1940, France. Les injures raciales ou confessionnelles ne sont plus réprimées par la loi. La voie est ouverte au racisme et à l'antisémitisme du gouvernement de Vichy. Donc, les gens qui font plus ou moins du copier-coller des textes de Vichy ces temps-ci, eh bien, voilà, c'est pas très glorieux. 1945, Allemagne. Dans la zone américaine, les syndicats sont autorisés au niveau des arrondissements. 1980, Corée du Sud. L'implacable général Chou. Âgé de 49 ans, ancien directeur de la Korean CIA, renseignements généraux, est nommé président de la République. Le 28 août. 28 août 1833, France, à Lyon. Le procès des mutualistes accusés de coalition illégale s'achève par le triomphe des travailleurs. Les inculpés sont acquittés ou se voient infliger une amende symbolique. 1872, France. 23 associations ouvrières essayent de créer un cercle de l'union syndicale pour favoriser l'enseignement professionnel et le progrès matériel des travailleurs. Le préfet dissout cette association. Il faut éviter toute restructuration syndicale après la commune de 1871. 1910, Algérie. Grève des dockers de Philippeville. Un cortège de manifestants algériens se forme, précédé d'un drapeau vert frappé au croissant et à l'étoile. 1910 encore, mais au Danemark, à 8. Au 8e congrès de la 2e internationale à Copenhague, la motion de Jean Jaurès et d'Édouard Vaillant proposant le recours à la grève générale dans les usines d'armement est rejetée, car elle ne pourrait être appliquée dans les pays à régime autocratique. Et oui, ce serait favoriser ces régimes-là au détriment des démocraties. Alors, bon, voilà. Ouais, des drôles de choix qu'il y a à faire par moment hein, dans l'histoire. Vous vous rendez compte quand même, on vous donne à choisir entre la peste et le choléra, parfois aux élections même, c'est comme ça. Vous choisissez un qui est un peu pire que l'autre. Hein. Et si ça se trouve, ça n'est qu'apparemment qu'il est pire. Et oui, ben voilà, ou qu'elle est pire. 1910, Danemark. 1911, France, à Guise. Dans l'Aisne, Guise, G-U-I-Z-E, dans l'Aisne, une nouvelle augmentation des œufs est annoncée. Les ménagères assaillent les étalages, provoquant une omelette record. Ben oui, c'est une façon de manifester. casser les œufs. 1949, URSS, par l'explosion de la première bombe atomique russe, le monopole nucléaire américain s'achève. Donc il a duré 4 ans le monopole nucléaire américain. En 4 ans, ils ont eu le temps de mettre en place un peu partout dans le monde des structures qui leur étaient favorables sur le plan diplomatique, sur le plan commercial, sur le plan politique, sur le plan militaire également. Hein ? Et oui, on en subit encore les conséquences actuellement de tout ça. Et de tout ce qui s'était passé avant et de tout ce qui s'est passé après. Bien entendu, les faits s'enchaînent les uns les autres et puis les conséquences d'un fait deviennent les causes du fait suivant. 1963, USA, marche sur Washington de 200 000 manifestants noirs et blancs avec le pasteur Martin Luther King. Ils protestent contre la discrimination dont sont victimes les noirs. 1980, France. Les négociations entre marins pêcheurs et gouvernement piétinent. Le blocus est levé dans de nombreux ports. 1981, Salvador. Déclaration franco-américaine. Les gouvernements de Mexico et de Paris reconnaissent l'alliance du Front Farabundo Martí de Libération Nationale comme une force politique représentative. 1984, Afrique du Sud. Les Indiens ne votent qu'à 20,23%. Oui, oui, voilà, seulement 23. Au Pérou, le conquérant espagnol Pizarro fait exécuter le fils du soleil, Atahualpa, roi des Incas. Il meurt chrétiennement, durement garrotté, après avoir confié sa femme et ses enfants à ses bourreaux. Sa conversion lui a valu la faveur du garrot en remplacement du feu auquel il était condamné. On n'est pas des sauvages quand même. 1793, Haïti. Sontonax, le commissaire de la Révolution française, prend enfin la décision que les Noirs et leurs leaders, tous à l'ouverture, attendaient. Il abolit l'esclavage dans l'île. 1871, Japon. Fin du régime féodal. Les nobles, daimyos, samouraïs, reçoivent une pension de l'État. Les paysans sont affranchis et deviennent propriétaires de leurs terres. 1943, Danemark, la résistance contre l'occupant nazi commence à s'organiser. 1944, Tchécoslovaquie. En Slovaquie, début de l'insurrection nationale contre les armées nazies, mais elle est encore prématurée. 1975, Pérou, l'aile droite de l'armée dépose le président Velasco Alvarado et impose son ordre, entre guillemets ordre, parce que bon, on voit bien de quel genre d'ordre il peut s'agir, bien évidemment. L'école pour tous. Nous n'avons aujourd'hui dans notre capitale qu'une école, spécialement destinée aux nobles et aux riches, et pas d'école pour le peuple. C'est à cause de cela que les enfants du peuple ne savent où aller pour s'instruire et que les étudiants, pleins d'ardeur et de curiosité, venant de loin, se fatiguant de cet aller-retour incessant. Je fonde cet institut et je ferai instruire tous les enfants. Kukai, règlement de l'Institut Shugai Shushi In, fondé en 828 à Kyoto, au Japon. Alors, en 828, où en était-on ? Eh bien, Charlemagne, lui aussi, avait décidé que le peuple devait savoir lire et écrire, enfin, en tout cas, devait fréquenter, même pas trop assidûment, mais fréquenter quand même une école. Hein, voilà. petite revue de presse, comme ça, hein, juste pour voir. Alors, il y a 100 ans, sur Vosges Matin, il y a une rubrique qui parle de ce qui se passait à la même époque. Hein, là, c'était du 13 au 19 août 1918, sur le front. Hein, enfin, sur les parties du territoire qui étaient confrontées au problème de la guerre. Alors, le moral de l'ennemi, par exemple. Alors, en période de guerre, la propagande, c'est quelque chose de très, très important. La propagande à destination de l'ennemi, on place des haut-parleurs et on envoie des messages à l'ennemi ou à des avions au large des tracts dans la langue de l'ennemi au-dessus de ses lignes, de manière à lui apporter des nouvelles vraies, si possible, vérifiables si possible, ou complètement fausses et invérifiables si on n'a pas d'autre chose à se mettre sous la main. Hein, bien sûr, il s'agit de démoraliser l'adversaire. Hein, voilà. Alors par exemple, voilà un petit article qui était écrit à l'époque. Le moral de l'ennemi. Ce n'est plus extraordinaire maintenant d'entendre un officier allemand émettre des doutes quant à la probabilité de la victoire allemande définitive. De tels doutes n'avaient jamais été exprimés par des officiers allemands avant les récents combats. Maintenant, on entend des officiers avouer ouvertement leur croyance à la défaite de l'armée allemande. Quant aux hommes, leur morale est au plus bas. Une escorte amenait des prisonniers allemands lorsque des obus allemands se mirent à pleuvoir. L'escorte courut s'abriter. Un des prisonniers saisit un de ses gardiens par la tunique, lui disant en mauvais français, ne me laissez pas, venez me rechercher. Hein, vous voyez, hein, quand même. Bon. je ne sais pas pourquoi. Saint-Étienne et Remiremont. D'hier à aujourd'hui. Alors là, il y a deux photos. Une photo récente en couleur qui montre le quartier où se trouve à gauche la pharmacie actuellement. En face, il y a un bâtiment qui appartenait à une usine autrefois. Et un peu plus haut à droite, il y a une photo en noir et blanc d'époque qui montre, mais d'une autre époque que la première, et qui montre un vieux bâtiment à gauche, là où actuellement il y a une pharmacie moderne. Et puis en face, il y a deux cours de bâtiments qui sont assez semblables à ceux qu'on voit sur la photo de gauche, mais avec quand même à gauche, on a agrandi les fenêtres, on a modernisé la toiture, etc. Bon. Et puis, sur l'ancienne photo, il y a un bâtiment qui a disparu maintenant. Et puis, il y a surtout deux cheminées qui ont disparu. Ah oui, parce que dans le textile, on avait besoin de cheminées pour avoir une force motrice renforcée, parce que la force motrice de l'eau, qui avait suffi au démarrage des usines dans les années 1810, 1820, 1830, 1840 encore, hein, l'industriel qui voulait monter un tissage ou une filature achetait un ancien moulin, et puis il utilisait la force motrice de la roue du moulin, hein, pour actionner ses machines. Et puis progressivement, ils ont agrandi leurs usines, il fallait produire plus vite, il fallait une force motrice plus importante, et la force de l'eau ne suffisait plus. Alors il a fallu donc installer des machines à vapeur, hein, qui étaient capables de produire quand même une force motrice plus importante et surtout qui ne variait pas en fonction des saisons. Parce que l'eau, dans les Vosges, il y en a beaucoup, et même un peu trop par moment. Et puis il y a des moments où on sera à limite de ne pas en avoir assez. Hein. On a frôlé la sécheresse à pas mal d'endroits cet été. À Saint-Étienne-et-Remiremont, donc, les usines ont cessé leur activité et perdu leur haute cheminée. Document Imagest, voilà, sur la mémoire régionale pour les confier, contact Mathieu Rousseau, @image-est.fr ou téléphone 03 83 39 02 39 si vous avez des photos dont vous voulez faire profiter les autres lecteurs du journal, eh bien voilà, un moyen de faire un peu comme les journaux pourraient devenir un peu des journaux libres, comme il y a des radios libres, vous voyez, où c'est les auditeurs qui en même temps sont aussi parfois les animateurs, hein, voilà. Oui, si vous avez une information que vous voulez communiquer à un public un peu plus large, eh bien vous téléphonez à RGM, bon, surtout dans la journée, hein, et puis à ce moment-là on prend en note et puis on peut diffuser votre nouvelle, hein, bah oui, pourquoi pas. La radio, elle est au service des auditeurs, pas seulement des animateurs. Quand Poutine danse à un mariage autrichien, Le président russe Vladimir Poutine a assisté samedi au mariage de la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karin Kneissl, apparentée FPE, c'est-à-dire extrême droite. Une présence qui, selon l'opposition, remettrait en cause la réputation de neutralité politique de l'Autriche. Le président russe faisait partie de la centaine d'invités qui ont assisté à la cérémonie de Gaimlitz, un village viticole au sud-est de l'Autriche. Vladimir Poutine a notamment été pris en photo en train de danser avec Karin Kneissl, qui a épousé l'homme d'affaires Wolfgang Meilinger. Il était venu accompagné d'une troupe de chanteurs cosaques qui s'est produite pour le couple. Des centaines de policiers ont été déployés à l'occasion de la cérémonie. Voilà, eh bien, oui, vous voyez, le monde bouge. Hein. Pas forcément dans le bon sens, hein, pas forcément. Mais ça bouge, il faut être attentif. De manière à pouvoir réagir le moment venu si les choses continuent à empirer. Vous vous rendez bien compte qu'avec 6 millions de chômeurs, ça peut pas durer. Autant en Allemagne, enfin proportionnellement à la population, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce, etc. Il y a beaucoup de chômeurs dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a beaucoup de chômeurs. Et il n'y en a jamais eu autant. Hein. Il n'y a jamais eu autant de travailleurs dans l'industrie et l'agriculture, mais il n'y a jamais eu autant non plus de chômeurs. Alors, il faut se rappeler que des 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça, c'était en 1932 en Allemagne. Alors, chacun connaît les suites hein, de cet état de fait, hein, bien sûr. 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1932, eh bien, les gens, les Allemands ont voté d'une certaine façon en 1932, dans le mauvais sens, à mon avis, et en 1933, ben, ils ont recommencé, mais en pire. Et cette fois-là, Hitler est arrivé au pouvoir, et il a amené avec lui ben, les bellicistes qui ont relancé l'armement de l'Allemagne, et ça aboutit, eh ben, voilà, à la conquête d'une partie de l'Europe, à une deuxième guerre mondiale, qui a fait 73 millions de morts, nettement plus que la Première Guerre mondiale. Vous voyez, à chaque guerre, le nombre de morts va croissant. La vente de produits dérivés de cannabis interpelle la justice. Un homme de 35 ans a été arrêté jeudi dernier à la frontière suisse et transporté des sachets d'infusion à base d'un dérivé de chanvre. Son procès a été reporté en attendant les analyses de la marchandise. Quand l'entreprise dit aux salariés « déconnectés », deux points, déconnecté, point d'exclamation. Plusieurs entreprises en France ont mis en place cet été des dispositifs pour inciter leurs salariés à ne pas rester rivés sur leur mail. Google, Facebook et Apple embrayent dans la sphère privée sans arrière-pensée. Point d'interrogation. Ben oui, quand on est au travail, hein, ben oui, voilà. Hein. À la rigueur, on peut tolérer un appel pour dire, je ne sais pas, j'ai oublié de fermer le gaz, vérifie que, etc. Des choses importantes et urgentes. Hein. Mais bon. Oh. Des TER et TGV suspendus. Alors on voit une photo de la gare de Remiremont avec un TGV qui est sur le point de démarrer. Enfin, il est à l'arrêt en tout cas. Hein. En raison de travaux à Varangéville, la SNCF doit suspendre certaines liaisons entre les Vosges et Nancy. Occasionnellement et temporairement. Alors on pourrait imaginer que des petits malins saisissent l'occasion pour arrêter ce train plus longtemps que prévu. De plus en plus longtemps, puis un jour on dit, bah, écoutez, on l'a supprimé parce que le taux de fréquentation n'était pas suffisant, la rentabilité n'était pas ce qu'elle aurait dû être, voilà. Hein ? Oui, bah oui, c'est à la mode ça. Actuellement, on coupe, on arrête, on fait cesser l'activité. Hein ? On en est un peu, les autorités ont retrouvé un truc que faisait la Felga, gendarmerie. Dans les années 40, un fait le gendarme, vous voyez passer sur votre vélo en tenant le guidon d'une seule main, il vous arrêtait. Si vous teniez le guidon de la main gauche, eh bien, il sortait sa scie à métaux et il vous coupait la moitié du guidon droit. Puisque vous n'en servez pas, vous n'avez pas besoin. Le Reich a besoin d'acier, lui, eh ben voilà, on enlève le bout de guidon qui ne sert pas. Ah ben oui, hein, voilà. Alors, on en est à des astuces de ce genre-là. On a fait un tour de manège et on est revenu à un point de départ que personne n'aurait souhaité, mais voilà, nous y sommes. Alors il va falloir réagir. Il va falloir réagir pour ne pas cesser faire. Sinon, ben ma foi, c'est qu'on est des nouilles et qu'on ne mérite pas mieux. Donc, suite à une consommation trop forte d'eau, couplé à un manque de pluie, une partie de Basse-sur-le-Rue s'est retrouvée sans eau le 15 août. Et oui, alors un pays tellement pluvieux que les Vosges, qui se met à connaître des périodes de sécheresse de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes, il y a de quoi inquiéter les Vosgiens et les gens des régions voisines qui profitent du château d'eau que constituaient les Vosges il n'y a pas si longtemps encore. Eh oui, il y avait des barrages comme à Pierre-Percé par exemple, qui servaient à accumuler de l'eau pour d'une part fabriquer de l'électricité au passage bien sûr, mais surtout faire une réserve pour aider à refroidir la centrale de Cattenom. Eh oui, au cas où les autres rivières du secteur viendraient à baisser un petit peu trop. C'est vrai que le principal danger d'une centrale nucléaire, c'est qu'elle s'échauffe, c'est qu'elle s'emballe. Il faut la maintenir en dessous d'une certaine température. Pour ça, il faut de grandes quantités d'eau. Hein ? Alors si les Vosges commencent à recevoir moins d'eau que nécessaire, ça va être embêtant pour les centrales nucléaires. C'est-à-dire que les centrales nucléaires deviendront encore plus dangereuses qu'elles ne sont. Hein ? Stage, job, apprentissage, porte d'entrée vers l'emploi. Hein, porte d'entrée vers l'emploi, c'est-à-dire pas porte d'entrée dans l'emploi, non, on vous fait faire un pas dans la direction de l'emploi, hein, mais les choses trappes, c'est pas terminé, l'apprentissage, les jobs, was ist das job, les stages. Les jeunes Français n'hésitent pas à tenter les expériences professionnelles durant leurs études. Une tendance de fond qui a surtout une vertu, elle facilite l'entrée dans le premier job. Voilà, job. Ça agit, hein, c'est pas bon. Boa Oba et K. Harris racontent leur rivalité. Devant des enquêteurs, la star du rap français Boa Oba et son rival K. Harris, qui contestaient hier leur incarcération, ont raconté leur année de clash, qui ont terminé avec la rixe d'Orly et les ont conduits en prison. Oh là là. Enfin, comme disait l'autre, je n'ai nullement besoin d'une jeunesse studieuse et policée, c'est tout le contraire qu'il me faut. Et il écrivait ça dans les années qui ont précédé un peu 1932. Et oui, et après, ben, il a montré que c'était toujours son idée. Pas de trêve estivale pour l'aide alimentaire. L'été, les associations spinaliennes qui font de la distribution alimentaire ne se reposent pas sur leur laurier. Leur engagement auprès des démunis ne faiblit pas. Quelle honte! Quelle honte que dans une société où il y a beaucoup de riches, il y a encore des pauvres. Hein, le fait qu'il y ait un seul pauvre dans un pays riche, c'est une honte pour la totalité des riches. Eh oui! À 6h07, dans les cris et les larmes, retrouvez tous les mardis une saga industrielle dans nos régions. Aujourd'hui, la manufacture L'Épée dans le Doubs. Ça se raconte, 13 heures de guerre, pendant l'occupation de l'usine, les filles de L'Épée, c'est le nom d'entreprise, ont fait évacuer de nuit et cacher en lieu sûr le stock de pendules évalué à 2,5 millions de francs. Leur trésor de guerre, comme l'ont fait avant elles les LIP à Besançon, trésor restitué à l'issue du mouvement social. Prestige, associé à la cristallerie de Baccarat, à la maison Hermès, la manufacture réalise une série de pendulettes à l'occasion du mariage du prince Charles en 1981. Elle récidive pour le centenaire de la Statue de la Liberté à New York. Statue de la Liberté qui a été réalisée par Auguste Bartholdi de Colmar, pas loin d'ici. Exploit en 1994 au Carrousel du Louvre à Paris, L'Épée présente la géante, la plus grande pendule au monde, 2,20 m de haut pour 1,2 tonnes. Vous voyez, bon, il y a des luttes comme ça, des combats qui se mènent de façon exemplaire, étonnante. Voilà. Les musulmans fêtent l'Aïd au gymnase. Volkswagen rappelle 700 000 véhicules. Toujours confronté au scandale du Dieselgate, le constructeur allemand Volkswagen a annoncé lundi le rappel de 700 000 de Tiguan et Touran à cause d'un risque d'incendie sur le toit défectueux. La France peut-elle faire sans pesticides ? Ah, voilà une question qui est intéressante. Eh oui, est-ce que les agriculteurs peuvent travailler sans pesticides ? Ben non, sûrement pas. Hein. Quoique nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et une cinquantaine de générations avant se sont passés de pesticides. On se demande comment ils faisaient. Hein ? On se demande. Alors, malgré deux plans éco-phyto depuis 2008, l'utilisation des pesticides a globalement augmenté ces dernières années. Tiens. Mais les agriculteurs assurent que la nocivité des produits, elle, a baissé. Eh oui, mais soyons rationnels. Si la nocivité des produits baisse, ça veut dire qu'ils sont moins efficaces. Donc, il faut en mettre plus. On compense la baisse de la qualité, entre guillemets, qualité, par une augmentation de la quantité. Hein ? Je suis de mauvaise foi, vous pensez ? Oh, peut-être pas. Peut-être pas, parce que vous savez, on est gouverné par des drôles de gens. Cybermonnaie, arnaque en vue. La flambée des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Dash et autres, fait briller le miroir aux alouettes. Une centaine de sites d'arnaque existent rien qu'en France. Une victime lorraine raconte cette mécanique bien huilée. Voilà, eh bien, on va rester là. Je vais regarder un petit peu pour la prochaine fois des journaux anciens. Enfin, anciens, pas trop, hein, ça dépend. Ça dépend. Parfois, ça peut être intéressant de comparer les nouvelles d'hier avec les nouvelles d'avant-hier et puis les nouvelles du mois avant ou de l'année précédente ou d'un siècle avant. Vous avez vu, avec la guerre de 14, on compare régulièrement avec des choses plus anciennes encore. Hein, voilà. À l'aube du XXIe siècle, je pensais peut-être naïvement qu'on ne connaîtrait plus violence et répression policière, celle du XXe siècle où les luttes ouvrières étaient systématiquement utilisées comme prétexte pour écraser leurs combats et leurs revendications. La répression violente des mouvements opposés à la loi travail démontreront qu'il n'en est rien. 1906. Suite à la catastrophe de Courrières, qui fait plus de 1500 morts, la colère monte dans le bassin minier. 40 000 mineurs se mettent en grève. Georges Clemenceau et l'arrivée de 20 000 militaires ne calment pas la situation, bien au contraire. Les années suivantes, Clemenceau s'appuie sur l'armée pour réduire dans le sang tout mouvement de la classe ouvrière. De même, 1948 reste gravé dans les annales. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les mineurs jouent un rôle crucial dans l'effort de reconstruction. En contrepartie, mais aussi en reconnaissance de leur rôle dans la résistance, ils obtiennent un statut et des droits que le ministre de l'Industrie Robert Lacoste entreprend de remettre en cause. Le patronat fait tout pour détruire le mouvement syndical, avec comme bras armé Jules Mocq, ministre de l'Intérieur. Et là, Lacoste, déjà en septembre 1947, a pris un décret qui supprimait le travail garanti. La décision de Christine Lagarde est d'une injustice terrible, mais en même temps, elle est très révélatrice des ruptures d'égalité du pays dans lequel nous sommes. Madame Lagarde, elle a fait porter appel. Le dernier jour, la possibilité de porter appel. Les mineurs, eux, Christine Lagarde, pèsent de tout son poids pour contrevenir, annuler une décision de justice. Or, prenez un autre versant des choses, l'affaire Tapie. Que fait Madame Lagarde ? C'est elle, la ministre des Finances, qui signe tous les actes publics pour aller à l'arbitrage en faveur de Tapie. L'arbitrage qui lui allouera 404 millions d'euros, dont 45 millions d'euros au titre du préjudice moral. 45 millions d'euros ! Les luttes emblématiques de la décennie post-68, des LIP à celle de la sidérurgie lorraine, ne seront pas non plus épargnées par la répression et la violence policière. On s'est retrouvé au commissariat de police de Melun. Un des flics, par la fenêtre ouverte, il a lancé 7 grenades au chlore qui étaient soi-disant déclassées, dont une s'est écrasée sur ma figure. Et depuis ce temps-là, malheureusement, je ne vois plus. Et depuis fin février 2016, depuis le début de la lutte contre la loi Khomri, que je recense toutes les poursuites, je suis aujourd'hui à 2303 personnes poursuivies, condamnées. Avant même le début des mobilisations contre la loi travail, on a vu commencer à tomber les sanctions très durement. Parce qu'on défend l'intérêt des salariés, se retrouver quelques années après une fermeture d'usine parce qu'on est affaibli, parce que la réalité, ce qui nous est arrivé, si on prend la chronologie des choses, tant qu'on était en lutte en tous ensemble, jamais ils sont venus nous faire chier comme ils sont venus nous faire chier. Ils nous ont accusés d'une pseudo-séquestration de 13 cadres RH dans le cadre d'un conflit. Ça faisait plus de 60 jours qu'on était en grève et on n'avait toujours pas eu de négociation. Et ce qui est fou en termes d'acharnement, c'est qu'il y a l'inspection du travail qui a refusé le licenciement, le ministère du travail qui a refusé le licenciement, le tribunal administratif qui a refusé le licenciement. Et là, eh bien, on a une nouvelle preuve de l'acharnement de la direction avec un recours en fait à ces trois décisions. Puisqu'avec notre organisation, on avait pris la décision de dénoncer les violences policières et donc Infocom CGT avait décidé de mettre les pieds dans le plat en éditant cette affiche. Et cette affiche, à l'époque des faits, a été l'objet d'une bulle médiatique qui, pendant deux jours, a créé le scandale de tout un tas d'éditocrates, de responsables politiques, à commencer par le ministre de l'Intérieur. Je voudrais aussi dénoncer ceux qui incitent à la haine et à la violence, et notamment la CGT, au travers des affiches honteuses. Et cette affiche fait partie de ce cours gauchiste. Je suis très choqué, je la trouve absolument immonde, cette affiche. Je la trouve insupportable. Les salariés décident d'envahir le comité central d'entreprise qui était prévu ce jour-là. Et là, on voit les images qui ont parcouru toutes les télés. Air France est sous le choc. Et quand Air France est sous le choc, c'est toute la France qui est sous le choc. Ces agissements sont l'œuvre de voyous. Manuel Valls qui vient le lendemain en traitant les salariés de voyous sans s'occuper de la problématique de l'entreprise ni de la souffrance que ces salariés avaient. On a affaire à une répression judiciaire avec énormément d'arrestations. Donc tout de suite on est assez surpris puisqu'on constate que la majorité des personnes qui sont arrêtées par la police sont avant tout des syndicalistes CGT ou des adhérents CGT. Qui sont les donneurs d'ordre de cette répression policière? Au nom de quel ordre la police et les forces de répression agissent, et dans quel cas? Il n'y a plus, depuis 2013, d'instruction du ministre de la Justice au parquet. D'instruction individuelle dans un dossier qui consisterait à dire « poursuivez dans ce dossier-là et soyez ferme ». Par contre, ce qui demeure, ce sont les circulaires générales, dans lesquelles le gouvernement dit « voilà, ça doit être une priorité de politique pénale ». Et ces circulaires-là, de manière constante, elles organisent des formes de répression du mouvement social. Que je comprends toujours pas, parce que c'est un acharnement non pas de la direction de Goodyear, non pas des deux cadres, mais de l'État français. Je crois qu'à une certaine époque, certains de mes confrères qui faisaient du droit pénal passaient leurs après-midi dans des grandes entreprises avec des chefs d'entreprise prestigieux qui avaient peur du juge d'instruction. Aujourd'hui, effectivement, on a peur des syndicats. Si les puissants essayent de faire peur et de régner par la peur, c'est parce que eux-mêmes ont très peur. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Nous devons agir en urgence. C'est ce qu'a déclaré François Hollande ce mardi en présentant l'offensive franco-allemande pour l'emploi des jeunes en Europe. On voit qu'il y a 6 millions de jeunes de moins de 25 ans, de jeunes européens qui sont au chômage, c'est-à-dire 1 sur 4. Alors Jean-Marc Daniel, est-ce que cette génération d'après-crise est une génération sacrifiée? Alors génération sacrifiée est un terme à la fois facile et peut-être un peu violent. Il y a trois éléments effectivement qui peuvent permettre de considérer que la situation est, sans aller jusqu'au sacrifice, est quand même délicate. Le premier, c'est effectivement que le taux de chômage est très élevé dans cette génération, notamment par rapport à la moyenne générale du chômage. Le deuxième élément, c'est que les rémunérations à l'embauche sont inférieures à ce qu'elles étaient il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire non pas dans l'absolu, mais si on tient compte de l'évolution de la croissance économique, si on tient compte de l'évolution du type d'emplois qui sont sur le marché, on embauche plutôt les gens maintenant à des niveaux inférieurs à ce qu'ils étaient il y a une vingtaine d'années. Et puis le troisième élément, c'est qu'on est dans des sociétés qui sont moins solidaires que les sociétés rurales, par exemple, et donc les jeunes sont plus isolés qu'ils ne l'étaient il y a un siècle, évidemment, mais il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. Alors, de l'autre côté, si on regarde les aspects positifs pour cette génération, d'abord... Il y en a, d'abord, heureusement. Cette génération, effectivement, on connaît tous les progrès techniques et les améliorations de conditions de vie qu'il y a eu depuis une cinquantaine d'années. Et puis, il faut... J'espère que ce sera durable, donc il faut espérer que cet état de paix qu'il y a en Europe, qui est quand même un des résultats de la construction européenne, va perdurer et donc va éviter la guerre pour cette génération. Alors, si on se penche sur la France, le taux de chômage des jeunes atteint 26%. C'est un niveau record historique, mais en fait, en réalité, ça fait 10 ans que le taux de chômage des jeunes en France oscille entre 19 et 25%. Donc, est-ce qu'on a un problème d'employabilité des jeunes en France ? Alors, il y a deux choses qui jouent dans ce genre de situation. La première chose, effectivement, c'est ce que vous appelez l'employabilité, c'est que les économistes montrent bien que... ou bien un système scolaire est très très sélectif, et à partir de ce moment-là, il y a une capacité des informations rassemblées sur les jeunes en question qui leur permet de trouver très vite un emploi. Le système est sélectif, on sait ce qu'ils savent faire, les entreprises embauchent assez spontanément. Ou bien au contraire, le système n'est pas très sélectif, et à ce moment-là, les entreprises ont besoin d'avoir la possibilité de licencier assez facilement en cas d'erreur. Mmh. Or, en France, on a un système qui, sur le plan scolaire, n'est pas très sélectif, et on a en outre un système d'emploi, un système de licenciement qui reste extrêmement restrictif. Et donc, vous avez ce premier élément qui est que il n'y a pas de véritable choix optimisé entre la sélectivité du système scolaire et la liberté, la flexibilité du système de licenciement. Et puis, le deuxième élément, on a quand même assez naturellement des dispositions qui sont plutôt favorables à ce qu'on appelle les insiders, c'est-à-dire les gens qui ont déjà un emploi, plutôt que les outsiders, c'est-à-dire les gens qui cherchent à rentrer dans l'emploi. Et donc, on le voit bien, d'ailleurs, un certain nombre de jeunes veulent rentrer par le biais de la fonction publique, parce que là, ils pensent qu'il y a des règles assez claires, que indépendamment d'ailleurs de l'attitude des entreprises, le concours qui correspond à la formation qu'ils ont reçue va leur permettre d'avoir clairement et de façon... objectif, un emploi à la mesure de ce que la fonction publique recrute. Simplement, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, heureusement. Alors, alternance, apprentissage et mobilité sont les principaux leviers mis en avant par la France et l'Allemagne pour lutter contre le chômage des jeunes. Est-ce que ces solutions, ainsi que celles mises en France, comme les emplois d'avenir, le contrat de génération, est-ce que ce sont de bonnes solutions ? L'expérience est en train de montrer que c'est plutôt d'assez bonnes solutions. On le voit en Allemagne, on le voit aussi en Autriche, où il y a des formules qui sont des formules qui se rapprochent un peu de l'apprentissage, c'est-à-dire des mises de pied à l'étrier, c'est des emplois qui ne sont pas forcément des emplois avec un contenu très concret, mais qui permettent aux jeunes de retrouver des règles de vie conformes au monde du travail, l'habitude d'avoir un horaire fixe, l'habitude d'être dans un cadre social organisé. Ce discours vers l'apprentissage que l'on avait... Qui n'est pas nouveau, qu'on a eu à l'époque de Nicolas Sarkozy... qu'on a avec la loi de Madame Fioraso qui vient d'être adoptée par le Parlement, qui prévoit un rapprochement entre l'université et le monde de l'entreprise avec des formules d'apprentissage, y compris dans l'enseignement supérieur, qu'on a dans le rapport Gallois, puisque le rapport Gallois demande de porter le nombre d'apprentis à 500 000. Tout ce discours est totalement perpendiculaire par rapport au discours qu'on a tenu depuis la libération. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est des vieilles formules du 19e ou du début du 20e siècle. On avait abandonné ça dans la deuxième moitié du 20e siècle. Et l'expérience allemande est en train de porter de nouveau la France vers des formules de formation plus concrètes. On en revient à cette histoire d'employabilité. Avec l'apprentissage, les entreprises ont au moins la certitude que la formation qui a été donnée aux jeunes correspond à la réalité de la vie de l'entreprise. Faut-il, comme le recommande l'OCDE, baisser le niveau du SMIC pour les jeunes, pour les premiers emplois ? Il est évident que c'est un marché, le marché du travail. S'il y a un stock qui est inemployé, c'est-à-dire le chômage, pour parler de façon un peu cynique, c'est que le prix n'est pas le bon. Et donc, quand vous avez du stock, c'est que le prix est trop élevé. Donc, la solution, c'est de baisser les prix. Alors, ça a déjà été essayé dans ce pays. Ça s'appelait le CPE de M. Villepin. Ça s'appelait le SMIC jeune de M. Balladur. À chaque fois, vous avez une opposition assez radicale de la jeunesse qui considère qu'on dévalorise ses diplômes, qu'on dévalorise son statut en tant que tel. Néanmoins, il est évident que, d'une façon générale, quand il y a trop de chômage, aussi bien chez les jeunes, mais que chez les seniors, mais que chez les personnes qui ont entre 35 et 45 ans, c'est que le prix n'est pas le bon. Donc il faut laisser davantage de souplesse. C'est-à-dire que il y a des jeunes qui méritent d'avoir un emploi avec un SMIC plus petit, mais il y en a d'autres qui méritent des salaires beaucoup plus importants que le SMIC, qu'ils obtiennent d'ailleurs en général. Mais l'essentiel, c'est derrière cette idée, il faut rendre davantage de souplesse au marché du travail et à la formation des salaires. Merci Jean-Marc Daniel. Le Front populaire a gagné les élections. Le Front populaire a gagné. le même temps, il établit le plan d'une révolution nationale en trois volets, travail, famille, patrie. Le secrétariat général à l'information est chargé d'en faire la promotion. Une trentaine de producteurs reçoivent commandes pour des documentaires dits d'intérêt national. Les établissements VK éditeront 62 numéros de La France en marche, qui traduit en images l'idéologie de Vichy. Premier volet, le travail. Parce que c'est notre projet ! Discours contre la guerre, prononcé par Maximilien de Robespierre le 18 décembre 1791 devant la Société des Jacobins. Quelle est la guerre que nous pouvons prévoir ? Est-ce la guerre d'une nation contre d'autres nations ? Ou d'un roi contre d'autres rois ? Non, c'est la guerre des ennemis de la Révolution française contre la Révolution française. Les plus nombreux, les plus dangereux de nos ennemis, sont-ils à Coblence ? Non, ils sont au milieu de nous. La guerre est toujours le premier vœu d'un gouvernement puissant qui veut devenir plus puissant encore. Je ne vous dirai pas que c'est pendant la guerre que le ministère achève d'épuiser le peuple et de dissiper les finances, qu'il couvre d'un voile impénétrable ses déprédations et ses fautes. Je vous parlerai de ce qui touche plus directement le plus cher de nos intérêts. C'est pendant la guerre que le pouvoir exécutif déploie la plus redoutable énergie et qu'il exerce une espèce de dictature qui ne peut qu'effrayer la liberté naissante. C'est pendant la guerre que le peuple oublie les délibérations qui intéressent ses droits civils et politiques pour ne s'occuper que des événements extérieurs, qu'il détourne son attention de ses législateurs et de ses magistrats pour attacher tout son intérêt et toutes ses espérances à ses généraux et aux ministres du pouvoir exécutif. C'est pendant la guerre que l'habitude d'une obéissance passive et l'enthousiasme trop naturel pour les chefs heureux fait des soldats de la patrie, les soldats du monarque ou de ses généraux. Dans le temps de troubles et de factions, les chefs des armées deviennent les arbitres du sort de leur pays et font pencher la balance en faveur du parti qu'ils ont embrassé. Si ce sont des César ou des Cromwell, ils s'emparent eux-mêmes de l'autorité. Si ce sont des courtisans sans caractère, nuls pour le bien mais dangereux lorsqu'ils veulent le mal, ils reviennent déposer leur puissance aux pieds de leur maître et l'aident à reprendre un pouvoir arbitraire à condition d'être ses premiers valets. D'autres assurent que nous n'aurons pas plus tôt déclaré la guerre que nous verrons s'écrouler tous les trônes à la fois. Pour moi qui ne puis m'empêcher de m'apercevoir de la lenteur des progrès de la liberté en France, j'avoue que je ne crois point encore à celle des peuples abrutis et enchaînés par le despotisme. Je crois autant que personne au prodige que peut opérer le courage d'un grand peuple qui s'élance à la conquête de la liberté du monde. Mais lorsque je ne vois qu'un plan imaginé, préparé, conduit par des courtisans, alors je demande au moins que l'on veuille bien réfléchir sur une question de cette importance. Ce n'est pas tout. Quand est-ce que des hommes libres, ou qui veulent l'être, peuvent déployer toutes les ressources que donne une pareille cause? C'est lorsqu'ils combattent chez eux, pour leur foyer. C'est alors que tous les chefs, forcés d'agir sous les yeux de leurs concitoyens, ne peuvent trahir ni avec succès, ni avec impunité. Tous ces avantages sont perdus dès qu'on porte la guerre loin de la patrie, dans un pays étranger. Le champ le plus libre est ouvert aux manœuvres les plus funestes et les plus ténébreuses. Ce n'est plus la nation entière qui combat pour elle-même. C'est une armée, c'est un général qui décide du destin de l'État. D'un autre côté, en portant la guerre en dehors, vous mettez toutes les puissances ennemies dans la position la plus favorable pour la faire. Vous leur fournissez le prétexte qu'elles cherchaient si elles le désiraient. Vous les y forcez si elles ne le désiraient pas. Bonjour et bienvenue dans votre émission culturelle Flash d'Histoire. Nous allons aujourd'hui faire la lumière sur une personne dont vous avez au moins une fois entendu le nom. Il est barbu, il est communiste. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui nous allons parler de Karl Marx. Et c'est Mickey Mouse qui nous a fait la proposition. Merci à toi. Donc sans plus attendre, c'est parti! Karl Heinrich Marx est né le 5 mai 1818 à Trèves. Oui, c'est en Allemagne. Et il est mort le 14 mars 1883 à Londres. Pour résumer sa vie, il a été historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, et il a même écrit des essais. Sa famille est juive, mais lui a été baptisé protestant. Pour résumer les études qu'il a fait, il a travaillé sur le droit, l'histoire et la philosophie. Au niveau professionnel, il débute par une activité de journaliste dans la Gazette Rhénane. Ses inspirations sont entre la philosophie allemande de Engel, le socialisme utopique français et l'économie politique britannique de Ricardo. Sa doctrine philosophique est très simple. Elle part du fait que l'homme doit être agissant et non comme être pensant. Ce qui va dire aussi c'est que trop réfléchir, eh bien, ça fait perdre du temps immense. Il va également critiquer la religion et l'État. Mais un jour arrive quelque chose d'incroyable qui s'appelle la censure prussienne. Du coup, Marx se casse. Et c'est donc en 1843 qu'il s'installe en France. À Paris, plus exactement. Et c'est donc... Tel un Charles Aznavour, il a quitté sa province. Et oui, notre ami Karl a 25 ans, le cœur léger, le bagage mince, il était certain de conquérir Paris. Et vous allez donc me dire, pourquoi Paris? Parce que les baguettes, les droits de l'homme, la démocratie, les grenouilles, les philosophes, et surtout parce que c'est aussi juste à côté. Non, plus sérieusement, pourquoi Paris? Eh bien parce que la France, déjà auparavant, avait déjà battu un roi. Alors pourquoi pas les bourgeois? Je sais, ça rime. Et vous voulez que Paris, qui est une des vitrines de l'Europe, soit le théâtre de la lutte des classes. Mais en 44, à Paris, Marx rencontre son futur meilleur ami Engels. Et c'est donc peu après leur rencontre que Marx et Engels travaillent ensemble à leur première œuvre commune, La Sainte Famille, dans laquelle ils s'attaquent à la philosophie critique de Bruno Bauer. Bref, ils vont faire plein de livres ensemble, et c'est au milieu des années 40 que Marx et Engels prennent part active dans la vie très bouillonnante des groupes révolutionnaires parisiens. Même si les révolutionnaires étaient influencés par la doctrine de Pierre-Joseph Proudhon. Sauf que Proudhon avait été très sévèrement critiqué par Marx. Et du coup, il avait un peu la haine. Et avec les années, il commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Jusqu'au jour où, sur la demande du gouvernement prussien, Marx est considéré comme un dangereux révolutionnaire. Et du coup, il est chassé de Paris. Et il va donc à Bruxelles, en Belgique. Et c'est au printemps 47 que Marx et Engels rejoignent un groupe politique clandestin. La Ligue des communistes. Ah, le communisme. Et nos amis vont prendre une place très importante dans ce groupe. Et d'ailleurs, on va demander à Marx de rédiger le Manifeste de la Ligue, plus connu sous le nom du Manifeste du Parti Communiste. Ouais, je sais, c'est clair. En gros, son livre le plus connu. Sauf que de son vivant, il va être rejeté par la plupart des gens. Bref, lors des révolutions de 1848 à Paris, Marx quitte la Belgique pour revenir à Paris. Et il va être chassé un an plus tard. Et là, il lui reste plus beaucoup de solutions. La Belgique ne le veut plus, l'Allemagne ne le veut plus, la France ne le veut plus. Et le problème, c'est que Marx a toujours dans l'idée de faire une révolution. Et bien du coup, il a eu une idée éclatante. Et il s'est dit, pourquoi pas partir dans un pays où il y a plus de chances d'avoir une révolution des ouvriers. Et du coup, je vous laisse deviner, nous sommes au 19e siècle, pendant la révolution industrielle, qui a bel et bien commencé en Angleterre. Et du coup, il part en Angleterre pour tenter de faire la révolution. Ce qui n'est pas con au final, vu que les gens en Angleterre vivent très très très mal. Et c'est d'ailleurs à Londres qu'il va résider jusqu'à la fin de ses jours. Et d'ailleurs, en Angleterre, pour lui, eh bien, ce sera la galère complète. Il va vivre assez pauvrement, et son loyer sera payé par son ami Engels. Mais il va continuer à participer à des activités militantes. Et notamment, c'est lui qui va commencer à initier l'Internationale ouvrière, qui nous donna ce chant. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère. Et il va commencer la rédaction de son œuvre majeure, Le Capital, qu'il a d'ailleurs laissé inachevé. Puis il meurt. Mais à sa mort, tout commence. Et oui, puisque le marxisme naît. C'est ce qui va servir pour les fondements des mouvements socialistes et ouvriers à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et donc vous allez très certainement me demander quelles sont les réflexions majeures qu'a eu Karl Marx durant sa vie. Eh bien, je vais essayer de vous résumer quelques-unes des pensées qu'il a pu avoir. Et c'est à ce moment-là que l'ES, vous pouvez prendre des notes. Tout d'abord, la lutte des classes. L'idée que la société n'est pas homogène, et que les gens ont des aspirations divergentes, et même contradictoires, et que de ces divergences naît une opposition entre les classes. Et que cette opposition entre les classes permet de comprendre la succession de sociétés et des périodes historiques qu'il y a eu. Et d'ailleurs, pour vous montrer des exemples d'opposition des classes, on pourrait dire l'homme libre et l'esclave, le patricien et le plébéien, le seigneur et le serf, le patron et l'ouvrier. Et donc, cette opposition constante serait le moteur, le truc qui fait avancer l'histoire. Et d'ailleurs, la nouvelle classe qu'a fait surgir Marx, c'est le prolétariat moderne. Même si aujourd'hui, il n'est plus très moderne. En gros, c'est tous ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre et dont les intérêts entrent en conflit avec ceux de la bourgeoisie. Et par intérêt, j'entends notamment la plus-value. Et d'ailleurs, Marx estime que dans toutes les classes existantes dans la société, seule la classe ouvrière est réellement capable de la transformer. La deuxième idée que je voudrais vous faire partager, c'est quelque chose dont il parle beaucoup, c'est l'économie politique. Il reproche à l'économie politique d'être formée comme être une science exacte, qui avait éliminé l'homme de ses paramètres, et que l'homme ne devenait plus que producteur ou consommateur. Donc en gros, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne devient plus que acheteur ou vendeur, et que le reste, eh bien, est oublié par la société. Bref, il y a encore énormément d'idées à vous donner, sauf que ça pourrait être beaucoup trop long. Du coup, je vous invite à faire des recherches sur les idées de Marx, et à lire ses livres si vous êtes intéressé. Mais si vous voulez savoir rapidement, il a beaucoup travaillé sur le TAL, c'est le nom d'un de ses livres, les origines du capital, capitalisme, la production, la distribution, l'échange, le matérialisme historique, tout ce qui est économie, sociologie. Si vous êtes en sciences politiques ou alors économiste, allez-y, foncez, de toute façon vous devrez le lire un jour ou l'autre. Bref, je vais terminer sur deux choses. La première, Marx a été très très impressionnant, puisqu'il n'a été reconnu comme un grand penseur qu'après sa mort. Et surtout, quelque chose est très intéressant, qui a réussi à prédire ce qui allait se passer dans le futur, si le capitalisme resterait. Et ça s'est bel et bien passé. Et la dernière chose qui est très paradoxale, c'est que depuis l'année dernière, la visite de sa tombe est payante. Et oui, elle coûte 4 à 6 livres sterling. Un comble pour le papa du communisme. En février 1936, la SFIO, le Parti radical et les communistes forment le Front populaire, qui s'oppose à la misère, à la guerre et au fascisme. Le Front populaire gagne les élections en 1936. À la tête du Front populaire, on retrouve Léon Blum, qui va entreprendre dès 1936 des réformes politiques et sociales très importantes dans un climat de grève généralisée. Il devient le président du Conseil, c'est-à-dire le chef des ministres du gouvernement. Le Front populaire fait voter des lois sociales importantes. Les accords de Matignon, en juin 1936, donnent le droit aux travailleurs d'adhérer à un syndicat et prévoient une augmentation des salaires. Rappelle-toi que la France et le monde sont dans une période de crise économique profonde, ceci est donc une mesure importante. Ces mesures sont vécues comme une victoire de la classe ouvrière. Quelques semaines plus tard, le Front populaire signe deux nouvelles lois, la semaine de travail de 40 heures et la création des premiers congés payés, 2 semaines par an. Pour la première fois dans l'histoire de la France, beaucoup d'ouvriers partent en vacances. Le patron de la CIA, Mike Pompeo, participe à un forum sur un think tank américain qui s'appelle American Enterprise Institute. Et il dit publiquement, le président Donald Trump nous a demandé que nous nous concertions pour voir quelles mesures nous allons prendre contre le Venezuela, les sanctions. Et pas plus tard que la semaine dernière encore, vous savez que Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, va faire une tournée en Amérique latine. Et dans une vidéoconférence avec des journalistes, le haut fonctionnaire du département d'État dit très clairement « La politique que nous avons mise en œuvre au Venezuela est en train de fonctionner, le pays est au bord de l'effondrement ». Il y a un travail de préparation psychologique, et là, pour le coup, le traitement médiatique est extrêmement important. J'ai pris un exemple, hein, on pourrait en prendre 10 000. Je cherche la caméra, c'est le quotidien Le Monde. Hein. Là, on n'est plus dans l'information. Hein. L'Europe doit isoler Nicolas Maduro. Faudrait demander au décodex du Monde, on est dans la propagande. Là. La tolérance est une vertu nécessaire. Parce que on ne peut pas évidemment adhérer à toutes les convictions qui sont présentes dans la société, mais on doit essayer de, si ce n'est de les comprendre, en tout cas de vivre avec. Le vivre ensemble est un apprentissage. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Hein. Et c'est un petit peu ce que je reproche aux défenseurs à corps et à cri de la laïcité, qui la voient toujours menacée, etc. La laïcité n'est pas menacée, la laïcité c'est un cadre et il faut s'insérer dans le cadre. Les personnes qui sortent du cadre, il faut évidemment les en empêcher. Mais on ne peut pas empêcher a priori l'expression plurielle des convictions. Peut-être que je peux commencer par une question personnelle qui flattera peut-être un peu votre ego, mais ça n'est pas grave. Je me demande si ça vous a fait finalement plaisir que quasiment toute la presse, tous vos confrères, faut bien le dire, sans remettre en question quoi que ce soit de votre enquête, reprennent presque mot pour mot ce que vous avez dit. Alors, on dit souvent que les Français se méfient des journalistes. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que les journalistes n'ont pas l'air de se méfier des journalistes, puisque sans avoir vérifié quoi que ce soit de votre enquête, sans avoir évidemment pris même le temps de regarder dans le détail ce que vous avez fait, ils vous ont fait confiance. Et j'imagine que ça a dû quand même vous faire plaisir de voir que finalement, lorsque tous les deux vous avez sorti cette enquête, c'était en quelque sorte parole d'évangile pour la quasi-totalité de vos confrères. Ça vous a fait plaisir ? C'est difficile de parler à la place de mes confrères. Non, mais voilà, je ne sais pas ce qui fait que chez eux, ils reprennent ou pas des éléments que nous avançons comme enquête. Ça n'est pas la première fois qu'une de nos enquêtes, qu'une enquête de la cellule d'investigation de Radio France, a un tel écho. On a même sorti des enquêtes qui, je pense, ont eu des échos et des reprises plus importantes. Sur l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, par exemple, sur François Bayrou, sur le nucléaire, sur les comptes de campagne et le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Par exemple, ça n'est pas finalement si inhabituel que cela. Pour le reste, voilà, plaisir, pas plaisir. On a, je crois, 14 millions d'auditeurs quotidiens sur les différentes chaînes de Radio France. La réalité, c'est que cette enquête, lorsqu'elle sort sur les antennes de Radio France, elle est déjà écoutée, entendu, reçu par plusieurs millions de personnes. Dans ton livre, tu évoques des tas d'autres moments, y compris tout ce qu'il y a de plus actuel. Par exemple, il y a quelque chose de formidable, c'est que sans cesse, à celui qu'on suppose être le ou la noir, on demande d'où venez-vous. Tu racontes une chose très simple, c'est que tu es évidemment française, que tes parents sont français, que tes grands-parents sont français, que tes arrière-grands-parents sont français. Tu remontes même jusqu'aux arrière-arrière-grands-parents qui sont français et on te demande toujours effectivement ton origine. Et tu dis une chose que j'avais jamais vue aussi frappante que dans ton livre, tu dis aujourd'hui le mot race, effectivement, à part pour quelques illuminés, est quand même plutôt laissé de côté, mais que ce qui a remplacé finalement le mot race, c'est peut-être le mot origine. Et oui, c'est que je vois bien que, alors ça vaut pour toute personne, vraiment à partir du coquille d'œuf, on va dire, la question se posera, et puis sinon, si vous êtes blanc avec un accent, bon bah ça, vous avez déjà eu cette question plein de fois, qui est, et c'est gentil, souvent c'est gentil, hein. C'est rare que ça soit malveillant, c'est vraiment une question, alors... Voilà. Avant bonjour, c'est vraiment la question du contact. C'est, mais dis donc, tu es de quelle origine? Et ce qui est génial, c'est que si vous dites Paris, ça n'est pas suffisant. Donc la personne est embêtée, mais elle va quand même poursuivre. Donc soit elle va poursuivre sur, ah oui, mais alors vos parents? Paris. Ah, de Paris, pas bon. Et même une fois, j'ai eu une dame qui, là, elle était au bout du rouleau, parce qu'elle avait fait tout, les parents, les grands-parents, on n'y arrivait pas. Et donc, elle m'a dit, oui, mais... Voilà. Il y avait ce truc-là de oui, mais. Voilà. Et en fait, dans ce oui, mais, il y a bien cette histoire qu'il faut trouver, ça ne peut pas être la France, c'est autre chose. Et donc, c'est ça aussi. La majuscule, c'est dire, tu ne pourras jamais être de l'endroit, puisque tu n'es pas un être de culture, tu seras toujours, par ta nature, ramené à l'endroit que je t'ai assigné. Donc, le noir, c'est l'Afrique, hein, de toute façon, donc ça, c'est simple. Et donc, vous débrouillez comme vous voulez, mais vous me donnez de l'Afrique à un moment ou à un autre, sinon, je suis pas très contente. Je ne vous connaissais, si j'ose dire, que de réputation, que de mauvaise réputation. Puisque, depuis près de 20 ans, un certain nombre de gens, ils sont d'ailleurs assez nombreux, disent de vous, il est antisémite. Seulement, je suis tombé un jour sur votre dernier livre, Antisémite, le titre est évidemment un peu provocateur, publié chez Max Milo, et comme je ne brûle pas les livres et pas davantage leurs auteurs, je l'ai lu en entier. Et je dois dire que j'ai été absolument passionné par votre histoire. Et pour l'expliquer à ceux qui ne la connaissent pas nécessairement, disons que tout commence en 2001 par une note interne au Parti Socialiste où vous êtes. Qu'est-ce que c'est que cette note ? Alors, il y a un petit groupe de travail qui a été formé au sein du Parti Socialiste après l'échec du processus d'Oslo. On a vu que Camp David ne mènerait pas à la paix et certains avaient demandé que l'on réfléchisse en commun sur l'attitude du PS par rapport au conflit israélo-palestinien. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de la région, je suis plutôt un généraliste des questions internationales, mais on m'avait justement demandé d'y prendre place pour avoir une vision généraliste. Et puis, je faisais un peu une comparaison, justement, comme le font les généralistes avec d'autres conflits. Comment se fait-il que sur le conflit du Kosovo, par exemple, on a telle attitude et pas la même attitude sur le conflit israélo-palestinien? Comment se fait-il que l'on proteste contre l'occupation du Kosovo par la Serbie, alors que, juridiquement, tout le monde reconnaît que c'est un territoire qui appartient à la Yougoslavie? Et que on ne dise rien sur ce qui se passe en Palestine, alors que personne ne reconnaît juridiquement que ça appartient à Israël. Et donc j'ai commencé à réfléchir à cela, et puis j'ai fait cette note en disant que dans tout autre conflit, on n'adopterait pas la même position. On serait plutôt du côté de l'occupé, pas du côté de l'occupant. Et je me suis heurté à quelques, finalement, résistances, et donc j'ai fait cette note en disant que c'était à la fois moralement injustifiable, mais politiquement également tout à fait condamnable, parce que finalement on nous mettait toujours le reproche, pourquoi vous dites de gauche et que vous acceptez l'occupation d'un peuple par un autre. Et à chaque fois on disait, ah, il faut surtout pas en parler pour les questions électorales. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim.

le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisifiera, loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Graphiste indépendante. Elle en a fini avec le statut d'auto-entrepreneur. Elle pouvait travailler plus de 50 heures par semaine pour un salaire horaire inférieur au SMIC. Chaque fin de contrat signifiait l'arrêt de ses revenus. Avec la sécurité sociale intégrale, elle peut bénéficier d'une indemnisation chômage et avec la fin du RSI, elle cotise désormais au régime général. Abdoulaye, lui, vient de signer un CDI comme cadre commercial dans une entreprise innovante. Il conçoit un logiciel de planification pour une grande société publique de l'énergie. Avec la sortie du nucléaire et des énergies fossiles pour aller vers 100% d'énergie renouvelable, ce sont près d'un million d'emplois créés. Pour Jean-Luc Mélenchon, la relance de l'activité économique se fait par la transition écologique et les nouvelles technologies. Un plan d'investissement de 100 milliards d'euros est mis en œuvre pour un vrai choc d'activité qui profite à tous les secteurs. Lundi 9 avril 2018, un an après l'élection. Ces trois-là sont ouvriers, salariés d'une entreprise du bâtiment. Gilles est un ancien chômeur de longue durée, des années à enchaîner des petits boulots en intérim et des temps partiels. Il a signé un contrat coopératif pour 4 ans avec une collectivité publique et retrouve peu à peu une vie stable grâce à son travail. Alexandre a 19 ans. Il prépare le bac professionnel en 4 ans. Sans l'allocation d'autonomie jeunesse de 800 euros par mois, il n'aurait pas pu poursuivre ses études. Laurent est diplômé d'une maîtrise. Il enchaînait les contrats courts et ne trouvait pas à se loger. La garantie universelle des loyers l'a aidé à convaincre un propriétaire de lui louer. Avec son contrat jeune, il a aussi 5 ans d'emploi garanti. Autant d'années d'expérience et de stabilité. Ces situations sont la réalité de millions de citoyens. Le chômage de masse n'est pas une fatalité. La lutte contre la précarité est une urgence sociale. L'État doit aider les chômeurs longue durée à revenir en emploi et les jeunes à démarrer dans la vie. Jeudi 12 avril 2018, un an après l'élection. Eva est agent de recrutement. Son métier consiste à sélectionner des profils de candidats pour des postes que proposent des entreprises. Sarah, elle, cherche un emploi. Elle avait renoncé à occuper un emploi rémunéré, faute de place en crèche. Un choix difficile. Un choix qu'elle n'aurait pas dû avoir à faire. Avec la mise en place du service public unique d'accueil de la petite enfance, elle peut enfin envisager de reprendre un poste à temps plein et vivre sa carrière professionnelle sans contrainte. Mais pas facile ces années sans travail, ce trou dans le CV. Les inégalités qui pèsent sur les femmes, Eva les connaît. Elle-même les a subies comme 26% des femmes. À travail égal, expérience égale, son collègue masculin était mieux payé qu'elle. Eva est désormais payée comme son collègue. Au vu des sanctions prévues par la grande loi sur l'égalité femmes-hommes, son entreprise a revu sa politique salariale. Pour Jean-Luc Mélenchon, il faut aussi inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG pour empêcher toute remise en cause et affirmer le droit des femmes de disposer de leur personne. Mercredi 18 avril 2018, un an après l'élection. Sabrina est interne en médecine. Avec le plan Zéro Désert Médicaux, elle va consacrer ses premières années à travailler pour l'État dans une zone rurale. Elle sera intégrée à un centre médical public. L'accès aux soins est un enjeu qui peut avoir des conséquences dramatiques. Chaque territoire doit être suffisamment équipé. La santé publique recrutera des personnels en plus. Fabien, lui, est policier. Il appartient au service de police de proximité. Fini la politique du chiffre qui le mettait sous pression constante. Aujourd'hui, son rapport aux habitants du quartier dont il assure la sécurité n'est plus aussi tendu. Il a pour mission de nouer des liens avec les gens et d'intervenir quand un problème est signalé. Avec la dépénalisation du cannabis, son rôle a changé. Le trafic s'est considérablement réduit, faute d'acheteurs qui préfèrent le cannabis en vente contrôlée par l'État. La délinquance n'est pas une fatalité. On peut l'endiguer à condition de s'attaquer sérieusement aux sources que sont le grand banditisme et les grands trafiquants. Dans nos rues et nos quartiers, la police de proximité est beaucoup plus efficace pour assurer la sécurité que la police des flagrants délits qui a conduit à des dérives intolérables. Samedi 21 avril 2018, un an après l'élection. L'éducation est un sujet central dans la vie de Claire. En plus de son travail d'employée de banque, elle consacre plusieurs heures par semaine à ses deux enfants. L'aide aux devoirs et les activités périscolaires occupent une partie de son temps et de son budget. La gratuité de l'école et ses activités, c'est être certaine que ses enfants n'en seront pas privés, quels que soient ses revenus. Pour Jérémy, les moyens humains mis dans l'éducation nationale ont permis à son fils Adrien, autiste, d'avoir une auxiliaire de vie scolaire, formée et diplômée, qui l'accompagne comme il en a besoin. Pour Leïla, maman d'un enfant de 3 ans et d'un nourrisson, avec la cantine gratuite et 100% bio, le service public de la petite enfance, elle a le sentiment qu'on donne le meilleur à ses enfants. L'éducation nationale est le premier lieu de socialisation de nos enfants. Ils doivent y manger bien, y acquérir des savoirs, s'exercer au sport, s'ouvrir aux arts et à la musique. Jean-Luc Mélenchon la veut gratuite et obligatoire de 3 à 18 ans. Voilà concrètement un exemple de ce qui va changer quand je serai élu. Mon programme, L'Avenir en commun, c'est une vision globale de la société. Mais il comporte 357 mesures précises pour que la vie de chacun d'entre vous change en mieux. Le 23 avril, avec la force du peuple, tout est possible. Allez, viennent les jours heureux et le goût du bonheur. libéral. Et que quiconque n'est pas libéral n'a pas la possibilité aujourd'hui d'accès au levier de commande. Ce qui fait effectivement qu'il y a une espèce d'énervement du peuple. On nous demande ce qu'on veut et on dit ce qu'on veut, puis on dit à rien faire de ce que vous voulez, on va demander aux élites de corriger votre vote. Et il y a un énervement qui se trahit d'une part par l'abstentionnisme, on va pas dire ça, quoi, ou après par l'investissement de protestataires. Et effectivement, quand on a un protestataire comme Marine Le Pen qui, elle, subvertit totalement le discours de son père, qui se met à défendre l'État, les fonctionnaires, la laïcité, qui défend les retraites, qui défend l'école, et alors là on se dit, c'est un discours que la gauche aurait pu défendre, et il a défendu depuis très longtemps, la nation. Comme on dit la nation aujourd'hui, c'est on défend les fascistes, c'est Le Pen, c'est Pétain, c'est Vichy, c'est tout ça. On a juste envie de dire, attendez, c'est Jaurès qui disait que la nation était le seul bien d'un peuple qui n'avait rien à lui, rien pour lui, c'était la seule propriété d'un peuple qui était dominé du tout. Est-ce que Jaurès aurait voté Marine Le Pen? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je pense aujourd'hui que le mépris du peuple, moi j'en viens du peuple. Mon père était ouvrier à l'école dans la fête des ménages, mon frère travaille à l'entretien du matériel dans une carrière, sa femme est cantinière, donc je le connais le peuple. Je sais les difficultés qu'il a à vivre, je sais qu'il ne peut pas aller au cinéma, aller au restaurant, mettre ses enfants en vacances, parce que c'est pas possible, parce qu'il travaille beaucoup quand ils ont du travail, quand ils ont besoin d'avoir la chance de travailler. Beaucoup, ils sont mal payés et ils se disent, mais nos représentants ne nous représentent pas. On n'a personne pour parler à notre place, pour dire on a le souci des pauvres, des misérables. On dit ouais, enfin on a toujours le souci des sans-papiers, des immigrés, c'est bien, il y a toujours des artistes, des comiques, des acteurs qui défendent le cas des sans-papiers, etc. Mais le prolétariat, il existe encore, le prolétariat, quoi qu'on dise, on dit oui, mais ça c'est le sous-prolétariat. Mais bien sûr qu'il faut aussi défendre le sous-prolétariat. Il n'est pas question d'oublier les sans-papiers, les immigrés. Évidemment qu'il ne faut pas oublier cette partie-là du prolétariat. Mais l'autre partie du prolétariat, plus personne ne parle d'elle. Et on dit non, elle n'existe plus, cette classe sociale. Il n'y a plus de prolétariat. C'est pas vrai, il n'y a plus d'usine. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus d'usine qu'il n'y a plus de prolétariat. Tous ces jeunes qui sont surdiplômés, qui s'en vont faire des stages dans des endroits où on ne paie pas, ou éventuellement ils sont obligés de payer pour faire des stages, c'est une partie du prolétariat. On n'en parle jamais de cela. Il y a des ouvriers qui sont en fin de droit et qui sont obligés. Moi, je travaille avec un ami dans un jardin de réinsertion sociale, on n'y peut arriver, ces gens-là. À 2 ans, 3 ans de la retraite, ils ne se plus rien, plus d'argent, terminé, fini. Qui parle de ce peuple-là, de ce prolétariat-là dans la classe politique aujourd'hui? Personne, parce qu'ils savent bien plus de ça que ce ne sont pas des électeurs. Les jeunes, ils en ont marre de la politique politicienne. Or, pas l'abstention, d'ailleurs. Mais voilà, ces gens qu'on voit au jardin, là, régulièrement, dans le jardin de réinsertion, sont des gens qui vont pas voter. Ils se mettent pour qui, pourquoi, tout le monde s'en fout de nous, personne ne parle de nous, personne ne nous représente. Et vous avez Marine Le Pen qui arrive et qui dit la pauvreté, la misère, la souffrance quotidienne, le pouvoir d'achat des gens aujourd'hui. Et là, c'est pour vous, ben, elle a raison. Jean-Claude Bourret est une figure du paysage audiovisuel, incontestablement l'un des journalistes les plus célèbres de France. Journaliste à France Inter, rédacteur en chef et présentateur des journaux de TF1 puis de la 5, rédacteur en chef enfin à RMC. Jean-Claude Bourret a rapidement découvert, nous a-t-il dit, l'interpénétration entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Alors, je l'ai toujours dénoncé, mais de façon mesurée. Parce que vous ne pouvez pas attaquer de front ceux qui sont beaucoup plus puissants que vous, sinon ils vous écrasent. Et vos patrons. Et ce sont nos patrons. Mais je l'ai toujours, pour ceux qui savent décoder un peu la façon de s'exprimer, je l'ai toujours dénoncé. Il suffit de reprendre. Et je ne l'ai pas dénoncé dans des journaux politiques, justement pour qu'on ne me dise pas « Ah, Bourret, c'est un type de gauche ou un type de droite. Il a parlé dans l'Humanité, donc c'est un type de gauche. Il a parlé dans le Figaro, donc c'est un type de droite. » Je l'ai dénoncé dans des journaux comme Téléstar, Télé 7 jours. Ça m'a valu d'ailleurs de perdre le journal de 20h sur TF1 au moment où il y a eu la grande manifestation en faveur de l'école libre, parce que j'avais fait mon métier de journaliste. Et malgré tout le système qui avait été mis en place par la gauche à l'époque, c'est-à-dire qui tenait l'agence France Presse, ils avaient nommé les directeurs de l'information de toutes les grandes chaînes de télévision, mais moi, je suis passé par-dessus eux. J'ai demandé directement au ministère de l'Intérieur et au service de presse combien il y avait de manifestants. Et c'était pas dans les dépêches de l'AFP qui censuraient tout ça. Et donc, quand l'attaché de presse de M. Defferre, qui était ministre de l'Intérieur, socialiste, m'a dit « il y a au moins 800 000 manifestants », et que je lui ai demandé, mais depuis combien de temps il n'y a pas eu 800 000 manifestants à Paris, selon la préfecture de police, puisque c'était un nombre officiel, elle m'a dit, un quart d'heure après, depuis la libération. Et j'ai commencé le journal de 20 heures un dimanche soir, en disant, Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la libération. Il y avait, comme directeur de l'information, le fils d'un député socialiste, qui était passé du grade de petit reporter au grade de directeur de l'information, parce que c'était la gauche qui revenait au pouvoir, qu'elle avait une revanche à prendre, et qu'il fallait mettre des gens à nous, comme disaient les socialistes, pour tenir l'information. Il a failli avaler sa cravate. L'Élysée, on me l'a raconté après, l'Élysée lui a téléphoné, fou de râle, mais qu'est-ce qu'il raconte bourré? Et on m'a viré du journal de 20h. Et on m'a mis à la création de la télévision du matin sur TF1. Bonjour la France, bonjour l'Europe. Voilà comment se fait la démocratie et l'objectivité de la télévision en France. Triste miroir d'un régime que cette affaire Benalla-Macron. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois. Et il faut dire que de tels abus reviennent si souvent dans l'actualité et dans l'histoire. Alors maintenant, oui, on connaît déjà bien les détails des nouveaux pieds nickelés de l'Élysée. Et chaque jour nous apprend quelque chose de nouveau. Annule la ligne de défense de la veille. Non, à nos yeux, entendez-le, c'est grave. Il s'agit d'une cour des miracles installée au sommet de l'État et qui développe une hiérarchie parallèle faite de copinages malsains, nous a-t-on dit, dont les membres ne figurent sur aucune liste, dont le ministre de l'Intérieur ne connaît pas le principal visage, dont le ministre des Relations avec le Parlement pense qu'il s'agit d'un bagagiste, dont la garde des Sceaux ne sait rien et n'a rien à dire parce que c'est une affaire devant la justice qui ne comporte aucun aspect politique d'après elle. Pourtant, ces gens qui agissent sans que personne dans la hiérarchie policière et militaire ne les connaisse vont le 1er mai, brassard de police au bras, tabasser ici, gazer là-bas, bref, créer et provoquer des grabuges dont ensuite leurs chefs politiques vont pouvoir bruyamment les déplorer. De cette lamentable situation, un bien pourtant pourrait venir. Ce serait l'obligation pour tous de regarder une fois en face l'état de délabrement d'un régime qui rend ceci possible. Incapable de se réformer pour être à la hauteur de la vertu qu'attendent de lui les citoyens. Je veux donc parler des grands principes qui peuvent régir la vie politique en commun dans une grande nation démocratique. Et d'abord, pour cela, je me réjouis de vous voir à votre banc, où nous vous espérons depuis bientôt presque 15 jours, Monsieur le Premier ministre. Car même en régime présidentiel, le Parlement continue à ressembler le peuple souverain. Et vous lui deviez des comptes dès le premier jour. Mais vous y avez manqué. Vous nous avez préféré le Tour de France. Après des heures de relance, par des rappels au règlement, deux présidents de groupe vous demandent si vous voulez bien vous présenter au titre d'un article de la Constitution qui le leur permet. Vous répondez, 3 jours plus tard, le temps de la réflexion, que vous voulez d'abord entendre les conclusions des diverses enquêtes judiciaires et parlementaires. Ce soin si sourcilleux ne vous empêchera pourtant pas de répondre aux questions d'actualité des deux assemblées sans être embarrassé de vous contredire. Vous avez même voulu nous faire croire que ce sera là une forme de relation politique normale en période de crise politique. 2 minutes pour vous interroger, 4 minutes pour me répondre, et voilà, pour tout potage, ce dont pourront bénéficier les 17 membres de mon groupe et les millions d'électeurs qui les ont envoyés ici. Vous n'êtes pas là parce que vous l'avez voulu. Vous êtes là parce que vous y êtes contraints. Nous n'avons pas eu d'autre recours que la censure pour vous obliger à venir assumer devant nous vos responsabilités. Pourtant, vous étiez bien moins contrit, Monsieur le Premier ministre, sur le deuxième rang qui était le vôtre, entourant le chef de l'État à la Maison de l'Amérique latine, lorsqu'il vous a fait applaudir, je dis bien applaudir, l'engagement politique de Monsieur Benalla à ses côtés. Vous avez applaudi, vous, la garde des Sceaux, les membres de la commission d'enquête de la majorité présidentielle. Et cela, alors même que le président assurait qu'il n'oublierait jamais les services que lui ont été rendus par Monsieur Benalla. Quelques instants après ces applaudissements, il pouvait dire qu'il se félicitait et qu'il était fier de l'avoir embauché. À la fin, vous verrez, il le décorera. Avez-vous perdu tout sens commun ? Tant de mépris, tant d'impudence, tant de rebuffades, en vain, vous avez été contraint de laisser les commissions d'enquête mettre à nu une chaîne ininterrompue de turpitude au sommet de l'État. Vous avez été contraint de retirer votre texte de réforme constitutionnelle et d'ores et déjà, avant même que l'on ait voté, ce sont autant de victoires à nos yeux. Oui, des victoires. Non pour nous, députés qui avons signé ces motions de censure, non pour nous, mais pour l'honneur du Parlement, si réduit que soit son rôle dans les institutions, et bien davantage encore par votre pratique, et plus encore si la réforme constitutionnelle que vous étiez en train de faire passer avait abouti. C'est par et avec l'Assemblée des députés que nous avons voulu ouvrir des issues à chaque étape de cette crise depuis le premier jour. Nous agissons conformément à notre principe politique le plus fondamental. Le Parlement est toujours supérieur à la monarchie présidentielle parce que chacun y travaille en pleine lumière, les uns sous le contrôle des autres et devant le peuple qui regarde, observe et décide. De toute cette affaire, une fois de plus, le hasard n'aura fait qu'accoucher le prévisible. Le contingent, en effet, réalise souvent le nécessaire. Benalla n'est pas la cause des problèmes. Il en est le symptôme. Cette affaire n'est pas celle d'un dysfonctionnement, mais celle d'un mode de fonctionnement. La maladie est profondément enracinée, elle porte un nom, c'est le présidentialisme qui rend fou la monarchie présidentielle. Ses effets destructeurs ruissellent tout au long de toutes les chaînes de commandement. Tout est aggravé désormais par l'illusion qui vous tient lieu de doctrine, le marché partout. Au fond, la hiérarchie parallèle qu'animait Monsieur Benalla, qu'est-ce donc ? Qu'une privatisation des services de sécurité du président de la République. Le prétexte de la rapidité, de la flexibilité a fonctionné une fois de plus comme une reprise des refrains déjà entendus à tout propos. Quel que soit le sujet, vous n'aimez pas l'État. ni les fonctionnaires. Vous ne croyez pas à leurs qualifications ni à leur efficacité et vous leur préférez des bandits de rencontre. Vous ne voulez pas renforcer l'État républicain. Vous voulez gommer sa présence partout où vous le pouvez. Vous m'avez lancé la semaine passée, sans que je puisse vous répondre, hélas, que les sociétés seraient devenues démocratiques quand elles ne se sont plus souciées de la vertu, mais qu'elles ont préféré s'attacher aux droits et aux règles. C'est pour moi une bien désolante affirmation, et j'y suis complètement opposé. Je vous dis pourquoi. La vertu en politique n'est pas une morale, mais un principe commun d'action à l'État, à la loi et à la citoyenneté. La vertu désigne ce qui est bon pour tous, l'intérêt général qui est toujours distinct de l'addition des intérêts particuliers. Nos sociétés sont devenues plus démocratiques quand elles ont fait de la vertu le but des lois et des règles. Sans la loi, la vertu est impuissante, elle n'est qu'un mot. Sans la vertu, la loi est l'imposition forcée des intérêts des uns contre ceux des autres. Comme ce nouveau code du travail que vous avez institué, où tous les rapports sociaux sont désormais individualisés, c'est-à-dire abandonnés aux rapports de force, plutôt qu'à l'intérêt général de la société. Pas de vertu, en effet, dans la loi qui abroge l'ISF, mais un privilège, ni dans le budget qui sacrifie les services publics, qui font de la République une réalité concrète. Car la République n'est pas un régime neutre. Sa devise « liberté, égalité, fraternité » en rappelle les objectifs politiques. Ils disent quel est le contenu concret de la vertu. Je crois vous connaître assez, monsieur le Premier ministre, pour savoir que vous ne le renierez pas. Mais vous ne voyez pas à quel point ce que vous faites vous en éloigne. Il y a un lien idéologique très direct entre la répétition sans fin ici et ailleurs sur la libération des énergies, la flexibilité, la foi aveuglée dans le règne partout et pour tous du marché et votre mise à distance des exigences de la vertu. La vertu s'obtient par un acte de raison, de volonté, de régulation. C'est le contraire de la main invisible et imprévisible dont vous imposez la totale liberté. De notre controverse, il n'y a que ceci d'utile, dire ce dont l'affaire Benalla est le nom. À cette heure, qui doit mener le monde? Le marché ou la vertu? La privatisation de tout, jusqu'à la sécurité du premier personnage de l'État, ou l'élargissement des biens communs, à commencer par la démocratie? Une tempête dans un verre d'eau, dit le président. Des tempêtes terribles ravagent en effet le monde et les verres d'eau deviennent rares. Parce que dans le monde entier, les lois ont préféré le marché à la vertu. Et si la Terre entre en dette écologique demain mercredi, c'est encore à cause de cela. Les circonstances ont permis un télescopage tout à fait significatif et remarquable. Toute cette affaire s'est déclenchée tandis qu'était présenté ici un nouveau texte constitutionnel qui allait aggraver toutes les conditions les plus rigides de celui que nous connaissons déjà. Autrement dit, s'il était passé, vous auriez aggravé les conditions qui sont propices à des événements de type Benalla. Ne faites pas semblant de croire qu'il s'agirait seulement d'une correction technique du texte fondamental. Assumez, comme vous le dites à tout propos et sur tous les sujets, assumez, dites la chose telle qu'elle est en réalité. Vous affirmez n'avoir pas renoncé à ce projet, alors, puisqu'il est à l'opposé de ce que nous croyons juste et nécessaire et de ce que nous venons de constater. Alors, posez la question au peuple lui-même, soumettez votre réforme constitutionnelle au référendum populaire. Demandez par une question oui ou non si nous voulons de votre texte. Vous m'avez reconnu aux questions d'actualité en engagement de longue date pour le passage à une 6e République. C'est le moment pour moi de vous dire qu'il existe un lien nouveau entre ce projet et le moment présent. Quoi que vous en disiez, quoi que vous vouliez faire, l'affaire en cours aura profondément aggravé la crise de méfiance populaire envers les organes de pouvoir. Vous le savez autant que moi, un grand peuple comme le nôtre ne peut consentir à des autorités dont il conteste la légitimité parce qu'elles ne respectent pas la loi qui s'applique à tous les autres. Les gouffres d'abstention qui défigurent déjà notre démocratie vont s'approfondir. On ne peut pas continuer comme cela. La République et la démocratie ne sont pas des mots mais des pratiques. L'une et l'autre sont menacées quand il n'y a pas un consentement massif. et déterminé du grand nombre aux lois et à la légitimité de ceux qui les mettent en œuvre. C'est pourquoi nous voulons que le moment vienne d'une assemblée constituante dans laquelle notre peuple et notre pays se refondent. Mais ce n'est pas ce que nous demandons à cette heure, ni ce que nous proposons par nos votes. Nous croyons que c'est une nécessité de savoir si, comme vous nous le dites, le peuple est d'accord avec la monarchie présidentielle que vous aviez prévenue. Le référendum sur votre projet est une possibilité de commencer la fin de la grève politique des votes qui épuise la démocratie en France. D'une manière étrange, le président a dit devant vous, désignant on ne sait qui, qu'il vienne me chercher. Quel est ce vocabulaire? Quelle est cette bravacherie? La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Après avoir mis en cause l'opposition parlementaire qu'aucun d'entre vous n'a l'air de supporter, ni l'existence même, la presse, la justice, qui est censée venir le chercher? Alors nous répondons, nous y sommes prêts, nous voici. Ce n'est pas à vous que ces mots s'adressent, monsieur le Premier ministre, mais à lui qui vous envoie assumer ses fanfaronnades à sa place. Le président affirme que depuis Capet, le monarque manque au pays. Eh bien, nous, nous croyons l'inverse, que nous n'avons pas fini de détrôner les monarques. Tout le temps et partout, dans la cité comme dans l'entreprise. Le grand Jaurès, assassiné comme vous le savez ce jour-là, disait que la grande révolution avait laissé le peuple roi dans la cité et serf dans l'entreprise. C'est à cette libération qu'il faudra s'atteler. Le choix est donc de ne pas être traître à nous-mêmes, comme nous le recommande Étienne de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire. Si nous voulons être libres, il nous faut savoir qu'il existe un choix entre vous censurer ou vous encourager dans vos appétits de pouvoir absolu. Nous vous censurons. Merci, Monsieur le Président Mélenchon. La burqa, il faut l'interdire en France. Je pense que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pendant qu'on s'excite sur burqa, pas burqa, on ne fait pas une réflexion sur, on mène pas une réflexion sur l'islam. C'est l'islam qui est un problème, c'est pas la burqa. L'islam est un problème? Ben oui, ça me paraît évident. Je veux dire, si vous lisez le Coran, si vous regardez la vie du prophète, si vous lisez les hadiths, on n'est pas du tout dans la logique républicaine. On est dans une logique inégalitaire. On n'est pas dans une logique féministe, mais misogyne, phallocrate. On n'est pas dans une logique cosmopolite. On est dans l'antisémitisme. On est dans la haine de l'étranger. On n'est pas dans une logique pacifiste. On défend la peine de mort. On défend l'égorgement des infidèles, etc. Donc il faut lire. Enfin, les musulmans en France, pour la plus grande majorité, sont des républicains, respectent les lois de la République. Ah oui, oui. Non, mais j'ai pas parlé des musulmans. J'ai parlé de l'islam. Je parle d'une religion. Les musulmans croyants qui pratiquent. Oui, mais vous avez aujourd'hui des marxistes qui croient pas à la lutte des classes, des chrétiens qui ne croient pas au paradis, et puis des chrétiens qui sont même payés très cher pour faire des missions, etc. Donc il y a des gens qui prennent quand même, ou des freudiens qui ne croient pas à l'inconscient. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui prennent pas mal de liberté avec les textes ou les dogmes. Moi j'ai rien. Heureusement, parce que les textes ont été écrits il y a très longtemps. Eh ben justement, ce serait bien qu'on n'en fasse pas des vérités d'aujourd'hui. Donc moi j'ai rien contre les musulmans. J'ai rien à reprocher aux musulmans. Et j'ai mais à reprocher à l'islam. Un problème. En disant l'islam est une religion qui n'est pas, contrairement à ce que dit la Vulgate aujourd'hui, une religion de paix, de tolérance et d'amour. C'est pas vrai. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, oh mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison de Karl Marx. Les classes sociales sont déterminées par le mode de production. Qu'est-ce que c'est que le mode de production ? Eh bien, par exemple, en ce moment, c'est le capitalisme. Donc, à la base, c'est l'économie qui va déterminer les classes sociales. Pourquoi ? Parce que le mode de production, donc ici, actuellement, le capitalisme, va déterminer des rapports de production entre les individus. Ces rapports de production vont déterminer au moins deux classes. D'une part, la classe qui possède les moyens de production qui sont nécessaires au système capitaliste, c'est la bourgeoisie, et ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, ce sont les prolétaires. En fait, dans d'autres textes, Marx trouve d'autres classes sociales, comme par exemple la classe paysanne, ou bien le lumpenprolétariat. Il y a aussi une différence pour lui entre les propriétaires fonciers et les bourgeois industriels et financiers. Il peut y avoir une petite bourgeoisie de commerçants, mais le capitalisme est tel que finalement il polarise la société en deux grandes classes. Et naturellement, la classe qui l'intéresse, c'est celle des prolétaires. En fait, pour cette classe de prolétaires, il y a ce qu'on appelle la classe en soi, c'est-à-dire que ce sont des individus qui vivent à peu près dans les mêmes conditions de vie. Et cette classe en soi, le fait de vivre de la même manière, en général plutôt ensemble, eh bien, ça va donner une certaine conscience de classe. Or, cette conscience de classe, elle est nécessaire pour en arriver à la classe pour soi. Parce que la classe pour soi, c'est lorsqu'on a pris conscience qu'il y ait des intérêts communs à une classe, par exemple à celle des prolétaires, et que ces intérêts communs valent la peine qu'on lutte pour eux. Donc, à partir de ce moment-là, les prolétaires qui auront la conscience de la classe pour soi pourront s'organiser et lutter contre la bourgeoisie pour détruire le capitalisme. On voit donc chez Karl Marx que l'économie est la base du social. Ça va même plus loin encore, parce que l'économie est aussi la base de la conscience de l'individu. Pourquoi ? Eh bien, c'est lui qui le dit. Il dit que ce n'est pas la conscience des individus qui détermine leur existence, comme le pensent la plupart des philosophes. Il dit non, c'est leur existence qui détermine leur conscience. C'est-à-dire, c'est la manière dont ils vivent ces rapports de production dans un mode de production précis qui fait qu'ils ont une certaine conscience de soi et que cette conscience de soi, qui est en même temps une conscience de classe, c'est cela qui va pousser à des comportements communs et donc finalement la conscience que l'on a de soi-même, bien, elle est déterminée par l'économie, c'est-à-dire en fait les rapports de production dans lesquels on vit. Pour Marx, les classes sont obligatoirement antagonistes. Pourquoi ? Parce que tout simplement leurs intérêts sont contradictoires. Quel est l'intérêt de la bourgeoisie ? L'intérêt de la bourgeoisie, c'est puisqu'elle possède les moyens de production, que ceux-ci leur rapportent le plus possible, c'est-à-dire que leur profit soit maximum. Pour les prolétaires, ce serait d'avoir des salaires qui soient de plus en plus élevés. Or, ceci est impossible. En effet, pour que la bourgeoisie puisse avoir les profits qu'elle désire, pour cela, il faut qu'elle paye le moins possible les salariés, donc les prolétaires. Elle leur paye ce qu'on appelle un salaire de subsistance, c'est-à-dire un salaire qui soit juste, nécessaire pour faire vivre la famille, puisque les enfants de ce prolétaire seront des prolétaires qui travailleront pour la bourgeoisie. Donc il faut au moins qu'il puisse nourrir sa femme et ses enfants. Mais c'est tout, donc c'est le salaire de subsistance. Et tout le surplus entre le salaire de subsistance qui est donné aux prolétaires et la vraie valeur de ce qui est créé, eh bien cette différence entre les deux, c'est le profit de la bourgeoisie. Or, la bourgeoisie cherche à agrandir son profit et elle ne peut le faire qu'en abaissant les salaires ou bien en diminuant le nombre de salariés et en mettant au chômage une partie des prolétaires. Et ça n'est que mieux pour la bourgeoisie puisque ces chômeurs deviendront ce que Karl Marx appelle une armée de réserve, c'est-à-dire une armée de gens qui ont absolument besoin de travailler, qui sont prêts à travailler encore pour moins cher et qui permettront encore d'augmenter le profit de la bourgeoisie. Donc forcément, les deux classes sont antagonistes. Bonjour Charline Vandenecker. Bonjour. Et voici une rencontre inédite, la première rencontre du prophète Mahomet et de la Vierge Marie. Dis Mahomet, pourquoi tu ne montres jamais ton visage ? Ah, ça c'est une idée de mon conseiller en communication. J'ai gardé le même depuis le 7e siècle. Hassan Omel, il s'appelle. Il m'a toujours dit, ne te montre pas si tu veux pas finir dans une boutique à Lourdes avec ta tronche sur un mug. Ah ouais, pas con. Non, mais moi je me retrouve même en médaillon entre les seins de Brigitte Bardot. Ah ouais, c'est dur. Bon, je te cache pas que moi je rate pas mal de plans avec des meufs du coup. Ouais, mais tu te retrouves pas comme un con à faire le santon dans une crèche à Béziers. Ouais, ou pire, incarné au cinéma par Gérard Depardieu. Ah bah si toi, Mahomet, tu galères avec les filles, moi je suis carrément vierge. Ah bon ? Enfin, j'ai quand même un fils. Quoi ? Et il est juif. Ah ! Oui, je sais, c'est compliqué. Ah bah ouais, ouais. Tiens, regarde, j'ai sa photo sur mon iPhone. Ah, mais il ressemble pas mal à son père, je trouve. Mmh. Bon, en tout cas, si t'es vierge, viens pas dans mon paradis parce que tu vas avoir chaud au cul, hein, je te le dis. Ah ouais, tiens, au fait, pourquoi 70 vierges pour les kamikazes ? Bah parce que les types, ils arrivent en 70 morceaux, ma vieille, réfléchis. Ah, c'est terrible. Mais sinon, Mahomet, ça va toi depuis un an ? Non, je vais pas te le cacher, j'ai passé une année de merde, je suis sous antidépresseur, je crois plus en rien. Oh là là. Quand je vois ce qu'on fait en mon nom, j'ai envie d'en changer. Je suis même prêt à m'appeler Kevin s'il faut. C'est dur, ouais. Le seul truc positif, c'est que je suis détesté par les électeurs du FN. Ah la chance, moi c'est une tannée, ils m'adorent. Ah mais c'est dur, aussi, ouais. Et dis donc, Marie, t'as un profil mythique, toi ? Mythique ? Ouais. Ah, mythique d'Internet ? Ouais, d'Internet, ouais. Non, mais j'avais ouvert une page Facebook, mais ils l'ont fermée pour pornographie quand j'ai montré une cheville. Ah oui, c'est vrai que tu portes le voile aussi, toi. Ouais. Moi j'ai des fans qui ont rien pigé au message du Coran. Tu dis que déjà, si les types ils interprètent mal le Coran, comment ils interprètent un film de David Lynch ? Mais oui, mais la guerre sainte, c'est un oxymore, ça veut rien dire. Ah, oui. C'est comme IVG de confort, mais c'est complètement en con. Ah, oui. Chez moi c'est pareil, hein. Dans mes fans j'ai Christine Boutin. Oh, tu crois qu'elle pige quelque chose au message de la Bible ? Oh non, mais c'est clair, mais moi au mien j'ai envie de leur dire, mais les gars, mais détendez-vous, mais pétez un coup, quoi. Non. Oui, non, bah loin non. De la foule, quoi, ah, je veux dire. Mais bon, dis Marie, tu crois qu'on pourrait se voir un de ces soirs ? C'est-à-dire que moi je ne couche pas, toi tu ne bois pas d'alcool, ouais, et puis je suis mariée à Joseph, le charpentier. Ah, il est charpentier, ouais. Ah, mais du coup, je pensais la Syrie, il connaît du coup hein le bois, la Syrie.